بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le temps. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. L'homme est certes en perdition. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.